L'éternité, l'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer, mon frère? L'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? Jésus t'attend, oh viens en ce moment. Jésus t'attend, oh viens en ce moment. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. Maranatha. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Amen. Maranatha, Maranatha, Maranatha, Amen. Dieu bienveillant, notre Père Céleste. Zambé, Manabeli Malamu, Tatana Pisonalikolo. En toute humilité, nous nous approchons encore une fois de ton trône de glace. Toi, l'adorable et le vénérable. Dieu véritable et incomparable. Dieu souverain et sublime. Dieu parfait et irréprochable. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ta parole est la vérité. Tes promesses sont infaillibles. Ta présence est notre soutien. Objet de notre joie. Ta fidélité est notre bouclier. Contre des ennemis nombreux et surprenants. Tu as fait des promesses qui se réalisent. Chacune d'elles doit être confirmée. Et c'est à notre profit, assurément. Laisse-nous nous cacher sous tes ailes. Toi, la grande maître, mère aigle. L'aigle Jéhovah. Cache-nous à l'abri de ton nom. Pour qu'au temps de la trompette, nous puissions avoir la vie, la liberté de survivre. Étends ta main sur nous ce soir et daigne exaucer nos prières. Nous avons grandement besoin de Dieu manifesté. C'est toi qui tiens notre futur. Tu maîtrises tout notre passé. Même des choses vécues que nous avons oubliées. Toi, tu les connais toutes. Et tu connais notre futur. Tu maîtrises mieux nos lendemains que nous-mêmes. Et tu connais chacun de nous plus que lui-même. Reçois les hommages mérités. Reçois notre reconnaissance pour tous les bienfaits que tu nous as accomplis à notre égard. Bien que nous les humains nous soyons faillibles, réprochables d'une manière ou d'une autre. Mais nous venons auprès de toi, car nous n'avons personne d'autre à qui aller pour recevoir la correction, le redressement, la visitation, le remplissage, l'équipement spirituel pour affronter tout défi, tout combat, toute épreuve, toute maladie et même la mort. C'est toi notre victoire. C'est toi notre refuge. C'est toi notre rempart. Notre mur fortifié. Tu es la paix de nos âmes. Tu es l'espérance des malheureux de la terre. Lorsqu'ils crieront, il n'y a qu'un Dieu vivant qui peut réagir et consoler. Guéris chaque maladie au milieu de nous, Seigneur. Et répands l'onction de vérité, l'onction de puissance, l'onction de rédemption, la puissance et du salut et l'amour parfait. Répands ça dans les âmes pour la gloire de ton nom et parle à chacun de nous par la parole de vérité dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous prions ici. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Sainte Bible ici. Somme 16e. Banzembo zomi na motoba. Le verset 9 à 11. Zela kotanga yelibua kino zomi na moko. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la correction. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Boye motema nangai, yoki esengo. Emoli monangai, esepeli sami. Nzoto nangai mpe evandaka na kimia. Poete, okotika moli monangai na esika na bakufite. Okotika mundimi na yo komona kolate. Okoyebisa ngai nzela na bomoi. Isengo mingi na kotonda ezali epai na yo. Kosepela ezali na loboko na yo na mobali libela. Hébreux chapitre 5, verset 5 à 7. Bayebelo mukapo ya mitano mulonga mitano kino na sambo. Le Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Boye, le Christ, ami Kembisite, était Azala, Nganga Monene Kati, Kasi, Atiami, Bongo Naye, Oyo, Alobaki, Liboso Naye, Ete, Yo, Mwananangai, Naboti Olelo. Mpelemoko, Elobi, Na Isiko Moussus, Ete, Yo, Nganga Libela, Kobila Molongo, Na Melchisedek. Na mikolo na bomo inaye, atombolaki mabonde limpe malombo na konganga makasi, pe na pisoli epai na ye oyo ayebaki kobikisa ye na kufa, pe ayokami mpona kotosa na ye ya malamu. En Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Mukanda liboso na bakolinti, mukapo ya zomi na kitano mulonga tukumbali. Pour terminer la première lecture de la Sainte Bible. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souhaitant à chaque âme bienvenue à la table du Seigneur. Et la paix dans la présence de Dieu. Nous poursuivons la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Reconnu fils de Dieu avec puissance. Par sa résurrection d'entre les morts. Le troisième jour après son ensevelissement. Nous souhaitons effectivement bienvenue à nos âmes. Car dans sa présence, il n'y a pas mieux que ça. C'est sa parole qui fait notre objectif. L'objectif pour lequel nous nous approchons de la présence de Dieu, c'est de l'écouter. D'entendre sa parole. Car les cieux et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront point. C'est évident. Depuis dimanche, et c'est là par la grâce de Dieu, nous avions commencé à méditer sur un sujet dont la première partie a été introduite, effectivement. Priant pour la première résurrection. Ou encore, priant pour la résurrection d'entre les morts. Et Dieu a conduit la prédication à sa façon. Et nous les remercions pour cela. Pour toutes les bonnes choses que nous avons apprises et entendues ce dimanche. Nous sommes reconnaissants envers Dieu. Et comme rien ne s'arrête là, mais Dieu avance avec son programme, avec son peuple et son église, nous sommes de ceux qui persévèrent. Car dans cette persévérance, nous avons l'assurance de gagner le salut de nos âmes. Le Seigneur avait dit effectivement que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous tenons cette promesse de Matthieu chapitre 24. Les versets 12 et 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité se sera accrue au temps de la fin, dans les derniers jours. L'iniquité s'accroîtra considérablement. L'iniquité se répandra pour devenir populaire à tel point que vous n'avez pas l'idée. L'iniquité s'accroîtra. Et nous vivons en ces jours, en ces décennies, en ces années où l'iniquité s'est accrue. Il s'est répandu jusqu'envahir même les églises dites chrétiennes. Car la parole du Seigneur ne faillit jamais. Et nous devons veiller sur nos âmes. Même quand nos parents vont dans les églises dites chrétiennes, et les regroupements dits chrétiens, pour ne pas nous laisser contaminer par la vie du péché, par l'habituation du péché, par le goût du mal, par le goût des iniquités, par le plaisir du péché. Nous devons veiller et nous en abstenir. Parce que la parole ne faillit pas. Elle dit que l'iniquité se sera accrue. C'est ce qui explique tous ces scandales qui nous font que continuer à se proliférer autour de nous. Jusqu'à l'un des derniers scandales dont on a entendu parler, ce pasteur-là, soi-disant du message du temps de la fin, qui est allé sacrifier son propre fils. Il l'a égorgé littéralement, soi-disant, pour le donner à Dieu comme Abraham l'avait fait. Parce qu'ils aiment humilier les policiers. On l'a déshabillé. Alors, il Et on l'interroge, on les filme pour répandre ça dans les réseaux sociaux. Pour ridiculiser le monsieur. Pour explique. Et puis il explique. L'éternel est Dieu. L'éternel est Dieu qui m'avait donné. Et puis il avait demandé que l'enfant là, je le lui donne. Et puis je l'ai fait au nom du Seigneur. Donc il y a des fois des malades mentaux. Des gens qui doivent être traités au sein de PPI. Mais qui se font passer pour serviteurs de Dieu, qui se font passer pour des prophètes, qui se font éduquer par la naïveté des gens. Donc, quand je l'ai écouté, j'ai eu pitié, c'était un malade. C'était une personne dont le cerveau était gravement malade. C'est pas une personne normale. Mais il conduisait des gens parce que. Mais Moutou est sonna. Mais pourquoi la mission va éviter comme on a grand Moutou normal, Azo Sakola, Azo Bigola, Azo Kotana Molimo. Or, Moutou est sonna kala. Un fou. Moutou est bon. Malade de tête. Mais voilà les conséquences. Son propre enfant biologique, il l'a égorgé. Et moi, là où il y a eu mon kobotaki, à Kataki et Kingo. Pitié. Mawa. C'est entré dans les assemblées dites chrétiennes. Et côté la bitonga na oye biangami baptiste. L'iniquité. Bokeseni. Voilà. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, quand on voit des choses comme celles que je viens de mentionner ici, il y a les fumeurs de chambre qui sont dans la police, qui s'endurcissent, qui se disent, ça ne sert à rien d'aller dans les églises, perdre son temps. Na bongo ba medina jambo ba zaliata na pulusi ba kumona makambo bongo walebi yoko sala na tina te kukenda kubungi saka tango na yoye te kote kote pena liko. Même nous qui fumons les cigarettes, qui fumons les qui buvons les liqueurs fortes, qui prenons les chambres et tout. Mais nous savons que ce qu'il fait là, ça n'existe pas. Même Abraham, auquel il se réfère dans la Bible, n'avait pas répandu littéralement le sang de son fils. Maintenant, comment il n'est pas honte? Il continue à se référer à quoi? Na bongo bango moko ba miyebete ata biso ba tomela kama kaya na jamba na masanga ya makasi oyu. Tebiyete makambo bongo kuko ata abala ya moyo ya zariko lobele. Abala ma yemoko penza kataki mwana na ye kingote. C'est nous que ces gens appellent perdu. Bisonde ba tongo ba kobenge chiko bunga. Ce soit des gens serviteurs de Dieu chrétiens. Ils nous traitent de perdu de tous les mots. Mais regardez ce qu'il faut eux-mêmes. Mais si nous, malgré notre paganicité, malgré cela, nous savons quand même qu'on ne peut pas faire ça. Mais comment utiliser la Bible et prêcher ça aux autres peuvent commettre de tels crimes? Oubliant que Dieu a dit, tu ne tueras point. Parmi les plus élémentaires des 10 commandements. Mais c'est confondant dans les soi-disant révélations que l'Éternel m'est apparu, l'Éternel m'a révélé. Non, ils se disent, mais nous ne pouvons pas faire ce que lui a fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Peut nous enseigner. Parce que ça montre que c'est un monsieur qui est totalement dans les ténèbres, qui ne comprend rien du tout. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre, de la grande majorité, majorité populaire, se refroidira. Et nous voyons ça. Nous vivons ça. Ne vous laissez pas tromper par le nombre des gens qui fréquentent les églises et les assemblées. C'est Dieu qui sonde le cœur et les reins, et c'est Dieu qui connaît ce qui lui appartient. Vous pouvez voir des foules entrer, monter, descendre, aller à l'église et sortir. Parfois parmi eux, il n'y a que des enfants de Dieu. Tout le reste, ce ne sont que les apparences du dehors. Mais de quand c'est ceux qui aiment la vérité. Il y en a des très rares sur la terre. Et c'est Dieu qui sonde le cœur et les reins. C'est lui qui connaît ce qui lui appartient. Au jour du jugement, des vérités éclateront. Les réalités sortiront. Et vous verrez le grand nombre d'hypocrites. et les soi-disant chrétiens et les soi-disant de Dieu et des pasteurs et des prédicateurs qui étaient en fait des magiciens, des talismans, des roses chrétiens, des occultistes, des néochromatiens. Non, les spirites et tout. Mais qui sont là toujours dans les apparences de sainteté. Toujours autour des milieux chrétiens pour semer la confusion. Dieu seul connaît ce qui lui appartient. C'est lui qui sonde le cœur et le rein. Et pour notre part, nous devons prendre position pour les promesses que Dieu nous a faites. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Mais nous ne reproduisons pas comme les autres. Regardez verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est lui qui, malgré l'accroissement de l'iniquité, la pilulation des péchés, la propagation du mal, la popularité du péché, au point que les gens commencent à trouver normal ce que la Bible déclare anormal. S'il y a des hommes et des femmes, des croyants et des croyantes, qui malgré cette réalité, affrontées au quotidien, peuvent persévérer jusqu'à la fin dans la voie du Seigneur, dans la fidélité à Dieu, dans l'attachement à la vérité, dans la sincérité devant le Seigneur, ceux-là seront sauvés. Ce qui me bat pas si, dimi me bat pas si, me bat si. Ce qui attaque ma camionne, son mabé au esali de bosson abango kasi bayi ki piko kati na solo kati na bossembo peko kanga manankolo ou wana ne bakobikisama. Frère Branham, parlant de l'âge de la Odyssée dans lequel vous et moi nous vivons, le gouvernement Klobaka n'antina na la le ko na la Odika au bisona yoto kobikela. Il a dit que cet âge est le plus mauvais, il est le pire de tous les âges. Alors bien, le ko esaya ma peko le kabile kobiso. Donc de tous les âges qui ont existé avant nous, en matière de péché, de rétrogradation, d'hypocrisie, d'iniquité et de rébellion, de séduction et d'égarement, l'âge de l'Odyssée est le pire de tous les âges. Malheureusement, c'est celui dans lequel toi et moi, nous vivons. Mais est-ce que nous avons seulement conscience de ça? De savoir que nous sommes dans l'âge le plus dangereux de tous les âges qui ont existé jusqu'à présent. La séduction est tellement répandue. La trompe religieuse est au sommet. Et Prophète me dit, le diable va jusqu'à prendre ses propres émissaires et en faire les membres de l'église chrétienne. Et il leur colle l'étiquette de frères et de sœurs. Mais ce sont les enfants du diable. Mais très religieux comme Caïn au commencement. Les deux jumeaux, Caïn et Abel. Côté religiosité, d'ailleurs, Caïn surpassait Abel. Mais côté révélation, Abel surpassait Caïn. Abel était des dieux et Caïn était du malin. Mais les deux enfants étaient religieux. Quand on pense, donc il semble que Caïn surpassait Abel. Du point de vue humain et social. Mais quant à la nature intérieure, Caïn avait la nature du serpent ancien. devant le Seigneur. Et Caïen, vous savez ce qu'il a fait? Il a manqué de respect même à Dieu en face. Mais pourtant, les œuvres religieuses, il en commettait. Mais cette nature qu'il avait en lui, là, de manque de respect envers Dieu, il avait hérité de quelqu'un qui était son père. Son vrai père biologique, c'était le père Pharaon. Et Frère Branham dit, Caïen n'y pouvait rien. C'est une nature qu'il a héritée parce qu'il est né d'être le père. Lui ne pouvait pas être autre chose que ce que son père était. C'est pour cela que nous devons naître de nouveau. Ne tournez pas autour de la question. Ne vous limitez pas à parler de ça. Vous devez réellement être de nouveau. Il ne faut pas cumuler le nombre d'années à l'église. Et qu'on te dise, j'ai maintenant 8 ans à l'église. J'ai maintenant 5 ans. J'ai maintenant 18 ans à l'église. Vous devez naître de nouveau. Et alors, persévérer dans la foi biblique. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérant dans les promesses que Dieu a faites. Dans la foi que Dieu a donnée. Dans la foi véritable et scripturaire. Pas dans les œuvres sociales ou religieuses. Dans Hébreux au chapitre 10e. La parole nous dit au verset 35, 39, ce que nous connaissons, n'abandonnez donc pas votre assurance, votre foi, votre conviction, votre détermination, votre foi biblique, votre assurance, et la foi est une ferme assurance, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Dieu vous réserve une grande récompense. Et pour ça, n'abandonnez pas votre assurance. Votre fermeté. Votre détermination. Votre foi biblique. Votre conviction scripturaire. N'abandonnez pas ça. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Zambi, bosengi mitema milai ete, bosala mokano na nzambe mpe ete, bosoyango esiliye kolaka. Vous avez besoin de persévérance. Chacun de nous a besoin de persévérance. Nous devons persévérer dans les choses que Dieu nous a promises. Attendre et rechercher tout ce que Dieu a promis. Combattre jusqu'à palper chaque promesse que Dieu nous a mis. Et pour ça, nous avons besoin de persévérance. Qui a dit amen à la vérité? Nous avons vraiment besoin de persévérance pour atteindre la réalisation de toutes les promesses que Dieu a faites. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Toi aussi c'est une promesse de sa venue. Il ne sera jamais en retard. Il viendra à l'heure prévue. Toi le croyant persévère. Le temps n'est pas si long, le temps est court. Le pas kilométrique, c'est à côté de moi. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Il se vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc si celui qui est censé être juste, être fidèle, être croyant, être persévérant, être perspicace, mais si celui-là se retire, ce qui est zongissima, s'il s'est refroidi comme les autres, pour commencer à imiter le mal que les autres commettent facilement, et voir l'iniquité comme de l'eau, se laisser emballer par le péché qui nous enveloppe si facilement, si celui-là qui est censé être fidèle, cela sera mouillé jusqu'à ce point-là. Je vous dis que mon âme à moi ne prendra plus plaisir en lui. Si à un moment je me plaisais à lui, c'est bien, il adore cette glorification. Mon âme, mon cœur, à moi, je prendra plus plaisir en lui. Donc Dieu aussi va commencer à se relâcher à ton égard. Il se relâche, et Dieu aussi se relâche. Et pourtant, c'est à toi qu'il a fait le devoir de gagner le ciel et de sauter l'enfer. Ce n'est pas à Dieu. Dieu a déjà affronté ça, il a vaincu. Nous avons plus d'intérêt à nous attacher à Dieu qu'à nous relâcher. Nous avons plus d'avantages à nous attacher à Dieu qu'à nous décourager. Nous avons plus d'intérêt à progresser avec Dieu qu'à reculer. Quoi tu avance avec Dieu. Si tu as des oreilles pour entendre, avance avec Dieu. Et ferme détermination d'atteindre le but. Le but de la vocation céleste. Alors Dieu dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Donc, il existe des gens qui se retirent et qui se retirent pour se perdre, pour s'embourber, pour se s'embrouiller, pour se laisser séduire, pour se laisser attirer par ceci ou cela de l'amour du monde ici. Nous ne sommes pas de ceux-là, ni de cette nature, ni de cette catégorie-là. Nous avons choisi d'être les persévérants. Combattant jusqu'à la fin. Nous l'avons chanté ici la semaine passée. C'est telle est l'expression de la foi de nos cœurs. Fidèle jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Persévérant jusqu'à la mort. Nous le serons. Nous le serons, je le serai. Mm-hmm. Toi aussi? Yope. Tu te dis que tu le seras. Yo, le parce que tu ne vois rien. Et tu vas te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pour l'amour du Seigneur, nous serons prêts à tout perdre. Davantage de quelques avantages de ce monde. Pour l'amour du Seigneur, nous sommes prêts à tout. Amen, amen. Les promesses ont été faites. Elles sont écrites de manière impersonnelle dans la Bible de Dieu. Mais depuis que le croyant les a lus, il se les est approprié. Il a pris ses promesses pour lui-même. Il dit amen. Chaque promesse dans le livre doit m'appartenir. Elle doit t'appartenir. Tu dois l'expérimenter. Promesse après promesse. Et témoigner que ton Dieu est fidèle. Il écoute la prière. Il répond aux prières. Même les choses impossibles, Dieu les rend possibles. Ah, et ta place Elle va écrouler même les forfaits. Pourquoi il s'attend ici qu'il y a ma cassée? Par la simplicité, la foi biblique est une foi de prouesse. C'est une foi qui amène les exploits. Nous sommes ici pour dire amen à la vérité. Dans les sermons, la persévérance, péché à New York par Frère Brenham, novembre 1963, la persévérance. Au paragraphe 56, dit ceci: vous devez vous battre et s'installer centimètre de chemin. On a éteint nos sommets. Chaque centimètre. Zambé, qu'on est en Égypte plutôt, avait donné la Palestine aux Juifs. Après ça qui m'a donné la Palestine, n'a pas Yuda. Vous savez que Dieu a donné ce pays aux descendants d'Abraham avant même qu'aucun de ses descendants ne naisse. Mais bête, Zambé, après ça qui m'a donné, oh, on a la Palestine, n'a pas la Malibosote, et attends, on a Bango Botam. Il a amené Abraham, leur ancêtre, là-bas, il lui a montré le pays, il a dit, je te l'ai donné à toi et à ta postérité après toi. Zambé a mis nde abala makoko na bango atalisi bango mama atalisi ya mabele wana lobi mabele wao ina pesio ni pai na yo na kitanya na yo. Il a donné cette terre, ce pays là, à des gens qui n'étaient pas encore nommés sur la terre, qui n'étaient pas encore biologiquement nés sur terre. Si mabele wana na batu oyo nana babo tamate na mabele oyo nana babo atanga ta komo na bango na mabele. Car Dieu a plein de choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il est le Dieu qui donne vie à toutes choses. Il donne vie à des êtres inanimés. Même à ceux qui n'existent pas. Il parle d'eux et il les appellera à l'existence. Et il leur a donné un héritage parce qu'il n'est pas du tout. Béni soit le Seigneur. Il est très différent des humains. Et quand ces descendants d'Abraham sont retrouvés en Égypte, ils ont entendu la promesse par la bouche de Moïse d'un pays où coule le lait et le miel, d'un pays que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, leur avait donné. Et le message de l'heure, de ce temps-là, leur a fait prendre conscience de leur possession, de leur richesse, pendant que la vie d'Égypte les avait déformés dans une sorte de servitude à vie, d'esclavage, de misère infernale. Sango oya mokolo yango ba yokaki wana uta na Mose. Ezalaki nde sango elobelaki bango na ntina na libula oya bango Nzambe asilikopesaka bango nzoka nde esika bazwamaki kuna na Egypto bazalaki nde baumbu penza ya pasi minyoko konyoka makati na bisika bazalaki. Mais le message a parlé d'un pays où coule le miel. Là où le messager de Dieu Moïse le conduirait. Et c'est un pays que Dieu avait donné à Abraham et à eux, leurs descendants. Pays où aucun d'eux n'avait jamais été. Même pas Moïse lui-même. Et il devait croire à l'existence de ce pays-là. Telle est la foi d'Abraham. Croire aux choses impossibles. Croire aux choses invisibles. Croire à tout ce que la parole nous annonce. Même s'il n'y a rien de là, rien de matériel, rien de palpable. Mais quand la parole annonce, la parole d'Abraham prend Dieu au monde, nous vivrons sans cette liberté. Est-ce vous de cette catégorie-là? Amen. C'est de cette catégorie que moi je suis. Dieu annonce que je dis oui et amen. C'est pour moi. C'est pour moi. Il l'a donné, moi je prends. Je vois rien, je touche rien. Et Dieu a dit, ça règle la question. Il se sent comment il m'amènera là-bas. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le suivre par la foi. Même si on me traitera des fous d'exalter, je ne change rien au programme de Dieu pour moi. Je serai avec Dieu une prospérité. Voilà. Dieu, là en Égypte, avait donné la Palestine aux Juifs. Mais ils ont combattu pour chaque centimètre de chemin. Et Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Autrement dit, là où vous allez revendiquer, que vous allez dire, ça aussi nous avons foulé, ça doit la Palestine. Je vous l'avais déjà donné, présent. Votre vivant, je vous le confirme comme étant à vous. Je vous l'avais déjà donné et je vous le donne encore. Je l'avais déjà donné avant que vous veniez ici. Je confirme que c'est à vous pour ce jour. Renez Dieu au mot, mes amis. Vous allez le penser à se secourer comme étant à vous renverserez les tangasses. Vous ferez évacuer la vapeur satanique. Tout alors et toute résistance démoniaque. Vous regardez en brèche. Louange à Jésus-Christ. Soyez persévérants. Les promesses de Dieu sont infaillibles. La parole de Dieu est exacte. Ce n'est pas ton lieu ici. Ici c'est le territoire des enfants de Dieu. Le consacré au nom de Jésus. La confession de la foi. La prière. Rodé pour vaincre. Pour triompher. Nous aurons une victoire écrasante. Alléluia. C'est prêt. Au lieu que foulera la plante de vos pieds, et c'est valable jusqu'à présent. Au lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Alors, le travail du diable consistera à paralyser ton pied. Pour que son pied reste là où il était, il a marché jusque là et qu'il n'avance plus. Le travail du diable, c'est venir donner de l'arthrite, de l'inflammation à la cheville là-bas, pour que ton pied ne bouge pas, que les genoux se bloquent. Le travail du diable, c'est venir blesser ton pied. Pour la douleur liée à la plaie, je ne peux plus bouger, mais que tu restes sur place. Mais Dieu s'associera. Il se révèle à Israël. On est Jéhovah Rapha. Il est Dieu qui guérit tous tes maux. Tous tes maladies. Tous tes douleurs. Vous dites amen. Est-ce que tu n'aventures ça? Oh, on ne donne pas tous les témoignages. Dimanche, il y a une soeur qui m'a donné témoignage de ce qu'elle a vécu ici. Elle a vécu les douleurs sanaïs. Elle a vécu ça ici. Elle est retournée guérie. On n'a toujours pas le temps de partager tous les témoignages. Est-ce que la puissance de sa parole? Chaque jour, nous vivons de ces merveilles. Nous avons notre attention focus sur la parole. Dieu agit, ton tour peut être aujourd'hui. Chaque fois que l'ange secoue l'eau, prenez à se jeter, trouve solution. Chaque fois que la visitation du Seigneur est dans la salle, on rate certains objectifs et résultats ce jour-là. Chaque action qui se manifeste, c'est une victoire que Dieu nous donne. Si tu n'as encore rien vu, tu verras quelque chose. Sois persévérant. Tu as besoin de la persévérance. Pour calmer les choses promises. Même à travers la prédication, il y a des choses qui te sont promises. C'est amen, non? Vous allez bon. Il y a des choses que tu n'as pas lues de toi-même. Et tu n'as pas écouté de toi-même dans les bandes de Frère Brunan. Mais dans la prédication même. Ça sort fraîchement. Et ça cadre avec ta vie. Ça concerne ta situation. Dieu est la même règle qui nous nourrit bec à bec. Mais tu as pris un nom? Non, je ne veux pas. Tu as dit qu'il a donné, mais toi tu refuses de prendre. Je ne veux pas te faire. Préférant écouter ta maladie. Arrête. Ce qui s'en a donné. Zambé a tous ta foi prête. C'est qu'il y a des. Quand Dieu dit chaque onction, hein, c'est une merveille que Dieu donne. Mais sortir du domaine invisible vers le domaine visible. C'est de faire couler les bénédictions spirituelles. Sur nos personnes. Quand je l'ai dit, il faut que tu prennes. Ah, mon tour, c'est peut-être maintenant. Oh, mais ceci m'est révélé, c'est maintenant. J'enlève peut-être que je dis c'est maintenant. Ça, ça y oh, je réalise que c'est déjà le cas. Non, mon appel, ouf, quelque chose s'est déclenché. Et donc, il dit, une bénédiction m'est donnée. J'ai reçu et je suis reconnaissant. Je vais témoigner, ça me réserve. Tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Les pas, les empreintes des pas signifiaient la victoire. Amen. La possession, Jésus. Les empreintes de pas, signifier la victoire, la possession, Jésus. Nyatakaka et Komiayo. Nyatakaka, Zambé a appuyé. Amen. Même après le coup de la face, Wana, bougez Kaka. Exerce ta foi, pousse ton zèle, plus loin que la douleur du corps. Pour ça, pour ça, pour les canabas, passez aux autres. Même dans ta maladie. Ne perds pas ta foi. Garder l'assurance. Être certain de Dieu. Que ce qu'il a dit, il le fera. Moi, j'ai fait ma part, lui fait sa part. Il a dit que ton pied foule et moi, je donne. Il n'y a pas des domaines réservés, des domaines où tu ne veux pas toucher. Et nous, dans notre méditation de ce soir, c'est le domaine de la résurrection entre les morts. Nous ne sommes pas encore morts. Mais nous devons régler ça déjà ici. Il faut résoudre ce problème de notre vie. Non pas que nous nous projetons dans la mort. Mais nous espérons mourir. Mais nous voulons que ce point-là soit réglé. Dieu ne changeait pas nos corps au moment de l'enlèvement. Nous ne serons pas vus de ce côté-là. Au cas où nous passerions par la mort. Parce que la mort vient par surprise. Mais il faut que ces problèmes soient résolus. Prions pour la résurrection. Car la résurrection d'entre les morts est aussi l'une des promesses de Dieu. Mais nous l'avons lu, non? Quand on dit avec insistance Jean chapitre 5, verset 25. L'heure vient où ceux qui sont morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Alors, 1 Corinthiens. Chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premiers. C'est la promesse. Où les morts en Christ doivent ressusciter d'abord. C'est une promesse de Dieu. Mais pour devenir participant, bénéficiaire de ça. Mais alors, il faut régler ça ici. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Il dit, en un instant, en un clin d'œil, na poisson, la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. N'est-ce pas une promesse du programme de Dieu? La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptible. Jean 5, 1 Corinthiens 15, promesse de la résurrection des morts. Résurrection d'entre les morts. Mes chers amis, confirmé par 3 témoignages bibliques. Et vous allez douter de ça? Non, il faut régler ce problème. Et cette promesse, nous en soyons bénéficiaires. Ne dites pas, oh non, l'essentiel est que Dieu me donne le Saint-Esprit. Si Dieu donne le Saint-Esprit, il y a tout ça dedans. Attention, Jésus-Christ aussi avait le Saint-Esprit dans la plénitude. Hein? N'est-ce pas? Et il y avait la promesse de sa résurrection dans la Bible. Hein? On va y revenir. Mais il a dit, offrir, présenter à Dieu. Au jour de sa chair, des prières et des supplications, et il a fait avec de grands cris. Et il s'adressait à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il avait le Saint-Esprit dans la plénitude. Mais il a prié comme ça. Faut pas rêver. Vous devez suivre les pas de la parole. Suivre le modèle biblique. Et devenir conforme. Plusieurs seront désillusionnés. Imaginez, quand vous allez vous asseoir là, vous vous dites, j'ai le Saint-Esprit, en lui il y a tout, Dieu fera tout. Et vous vendez le bétail à la fin, vous découvrez que ce que vous pensez être le Saint-Esprit, Dieu dit que vous ne l'avez même pas. Et en Asuka, oh, le banac, vous m'avez dit que vous avez un sens de le bétail à la beauté. Vous voyez, frère? Si à la fin, Dieu dit, moi, je ne vous ai jamais donné. Ce qui n'a souk, oh, le bétail à la beauté, il n'y a pas de bétail. Moi, j'avais dit, après, c'est le Saint-Esprit, la gâche n'a pas de bétail. Il fera tout. À la fin, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais ne soyons jamais discrets. Suivons la parole au moindre détail. Suivons la parole du Seigneur avec précision. Précision. Pas de confusion. Voilà. La promesse est là. Maintenant, Dieu dit. Ah ouais. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Les empreintes de pas signifier la victoire. La possession. Aussi longtemps que vous pouvez monter jusque dans le royaume de Dieu. Si vous voulez simplement, tout simplement monter un peu et dire. Je crois que je ne dois peut-être pas aller en enfer. Hein? Voilà quelqu'un qui joue avec les promesses. Non. Au lieu de monter concrètement et avec assurance, ne pas ferme, non? Que Dieu nous aide. Tu ne peux pas venir avec les peut-être ici. Messieurs, madame, soyez plus sérieux que ça. Ne jouez pas avec le feu. L'enfer est un feu. Un feu brûlant et dévorant. Attention. Tu ne peux pas dire. Je crois que je serai sauvé à la fin. Et si j'adhère à l'église. La Bible a dit ça. Il a dit, vous avez besoin de la persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Vous devez remplir les conditions posées par Dieu pour accéder aux promesses que Dieu a faites. Avez-vous rempli toutes les conditions? Pas encore. Non, notez. Je ne vais pas dire si j'adhère à l'église, ça règle la question. Mon voisin là qui m'attaquait trop, il va plus me déranger. Vous dites les autres églises étaient pour Nani. Les mêmes matériels en yé. On a pas une église qui gagne. On a pas une église qui comme ça. Ah, il va faire un petit cabal à mon coup. Attends, là, tranquille. Tu pars à l'église comme par défi pour échapper. Et une fois que tu es là, tu penses que c'est tout ce qu'il fallait faire. Loin de là. Vous devez mourir à vous-même. Vous devez renoncer à votre vieil homme. Vous devez naître de nouveau. Tout ça, ça vous attend. Vous devez passer par là. Si vous voulez tout simplement monter un peu, quelqu'un qui essaye à peine de monter, c'est comme qui fait une aventure, il dit, eh bien, je crois que je ne dois peut-être pas aller en enfer. Mais je crois que je serai sauvé à la fin. Je vais à l'église. C'est votre raisonnement. Vous n'avez pas encore gagné beaucoup de terrain. avec ce genre de personnes. C'est que vous n'avez pas encore gagné beaucoup de terrain. Vous êtes encore du côté des vaincus. La balance penche du côté des vaincus. Vous devez changer de camp pour entrer dans le camp des vainqueurs. Côté du camp des vaincus, entrez dans le camp des vainqueurs. Côté de ce langage, à peu près. Entrez dans le langage d'assurance. Parler avec certitude. Être certain de Dieu. Vraiment, dis ceci. Or, chaque promesse dans la Bible est vôtre. Chaque promesse dans la Bible est vôtre. Mais il vous faudra combattre chaque garde du diable et les chasser loin de cela. Avec une épée à double tranchant. Et revendiquez cela pour vous-même. Soyez persévérant, prenez-le là-dedans. Ça, c'est une leçon capitale. Ne te permets pas de l'oublier. Ne permets pas qu'elle t'échappe. Chaque promesse par la Bible vous appartient. Mais ne suffit pas de dire que c'est à moi pour que ce soit réglé. Soyez prêt au combat. Mais n'utilisez pas n'importe quelle arme, utilisez l'épée à double tranchant. C'est-à-dire parole sur parole. Parole de sa pureté. Parole de sa perfection. Parole de son originalité. La parole en sa puissance. De secourir et de délivrer. La parole en sa démonstration. La parole, ça oui, utilise cette épée à double tranchant. C'est-à-dire une épée capable de trancher effectivement. Est-ce que ce feutre est une épée? Vous savez que c'est non. Si moi, au lieu d'utiliser la véritable épée, je vois, comme les gens de la DAGE disent, Babou Maganyoka, Nanzeto, Zana Maboko. Au moins, les gars, moi, fait prêt. Eh, na ou panga, du baye à chéroyo, na épée ou pangoyo. Ata, les gars, ou panga, t'es gana, ou comme ça, ou panga. Hein, tu veux faire les talismans? Yoana, Zo, tomboli, quand? Qu'est-ce que ça produit? Répétez, quand? Produit? À force d'insister, tu risques de casser même ta prétendue arme. Mais le bois va rester bois terrible. Utilisez la véritable épée. La véritable parole. Or, dans notre temps, il a été prophétisé par Amos que cette véritable parole sera rare. Et pourtant, c'est l'arme qu'il nous faut maintenant pour vaincre. Vous voyez par là que les vainqueurs ne seront pas un grand nombre. Les vainqueurs sont un petit nombre. Les ceux qui seront trouvés attachés à la véritable parole. C'est parmi ceux-là que vous aurez les vainqueurs. Pour utiliser l'épée à double tranchant. La véritable parole. Ça mélange. Dans son originalité. Dans sa perfection. Dans sa puissance démonstrative. Dans sa puissance libérative. Cette parole qui doit pénétrer ton cœur. Agir au dedans de toi. Il agit en vous qui la croyez. vous l'entendez, qu'elle n'agit pas parce que vous ne l'avez pas cru. Si vous l'entendez, qu'elle ne produit rien, ce que vous n'avez pas cru. Vous allez déjà vous positionner, à savoir quel est votre sort. Vous ne pouvez pas entendre la parole de Dieu. La parole doit vous charger. Elle doit couper le péché. Elle doit couper l'iniquité. Elle doit couper la confusion. Elle doit couper les ténèbres. Elle doit couper la dénomination. Elle doit couper la restauration. Elle doit couper les maladies. Elle doit couper les défaits. Elle doit couper la timidité. La parole sur parole. Parole sur parole. Pour savoir ce qu'il a mis. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes. Hein? Autour de laquelle on discute, on spécule, on commente, on argumente, on donne ses propres opinions, ses avis et considérations. Non. Mais, ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, amen, qui agit en vous qui croyez. Amen. Bisopé, à côté que t'es cotonda kanzambe, ponali kambo oyo eti. Wana e yambi bino liloba na nzambe, liokaki bino epai na biso. Bo yambi yango lokola liloba na batote, kasi lokola liloba na nzambe. Uh-huh. Ezali mpere yango solo, pe ezali kosala mosala kati na bino bandimi. Donc dès le moment de sa proclamation, elle n'est pas proclamée à peu près approximativement. Ceux qui la proclament, elle la proclamé en tant que véritable parole. Il y a à ce qu'elle soit véritablement et fidèlement transmise. Donc le prédicateur il veille au Donc il la reçoit telle qu'elle est sortie. Tu l'entends telle qu'elle est venue. Et tu la reçois sur la même base. Alors la Bible dit, il agit en vous qui la croyez. Le Seigneur a dit dans Ésaïe 55, au sujet de cette paix à double tranchant, sa propre parole, il dit ceci, 10 et 11, comme la pluie et la neige descendent très sûr et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole Amen. Qui sort de ma bouche. Amen. Elle ne retourne point à moi sans effet, Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Peuple, pas le moula. Moula y a tombé. Il connaît le canal. Il peut y causer la capuna de cassi. Il peut polisser ça. Et puis, il y a des missions qu'on a un grand fait. Et pas une seule année. Parce que moi, je n'ai pas eu la moukoni. Je n'ai pas eu la moukoni. Moué, la moukoni. Oye, et que tu m'as pas, la moukoni. Okubibaka epayi na ngai pamba te kasi akosukisa oyo ekani ngai ekolonga na likambo litindaki ngai yango. Tout ce que la parole t'annonce, ce sont des choses obligatoires. Aucune parole de Dieu ne peut rester sans effet. Inopérant. Elle doit agir. Mais dans vous qui la croyez. Vous pouvez être assez nombreux ici, mais juste 5 personnes qui croient. Vous pensez qu'être assis ici veut dire être croyant? Vous pouvez en avoir ici qui sont en train de pratiquer la sorcellerie. Dans la bien, cela, alléluia, amen, et tout ça. Lui est en train de téléphoner le diable. C'est grave. Somme. J'ai eu un monsieur une fois qui s'appelait un frère dans l'assemblée. Il communiquait avec un monstre sous-marin. En plein culte. Monstre sous-marin. Il prenait des notes. Vous voyez comme s'il notait la prédication. Il tombait sur quelqu'un pour attirer l'attention. Va voir ce qu'il écrit. C'était des griffonnades en langue inconnue. Vous voyez frère, il y a des gens qui font semblant. Ils m'ont dit, mais vraiment, il y a Molende, une autre prédication. Or, c'était du langage qu'il communiquait avec le monstre. Quand on l'a attrapé, il a tremblé comme ça. La parole a dit. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il sera démasqué. Dieu accorde des jours du temps pour que vous puissiez vous préparer. Amen. Il faut que vous puissiez vous préparer. Il faut que vous c'est ça. La parole de Dieu n'est pas inactive. Dieu dit, elle doit accomplir ma volonté. Est-ce le cas dans ta vie chaque jour? Est-ce que la parole de Dieu que tu entends dans ta église, la volonté de Dieu dans ta vie de tous les jours? Est-ce que c'est le cas vraiment? Elle accomplit la volonté de Dieu dans sa vie tous les jours ici. Vous allez comprendre ça comme quand nous en sommes quatre qui n'a pas mon avis pour le nom de l'homme. Est-ce qu'elle contrôle tes gestes? Vous allez contrôler, Sous climat de sainteté, sous climat de prière et d'adoration. L'intercession en faveur des coupables. Par l'esprit de Christ, plaide pour les coupables. Il n'y a pas l'accusateur de frère. L'esprit de Christ intercède pour les coupables. Il n'est pas le critiqueur de frère. Il n'est pas le parleur à mal de frère. L'esprit intercède. Il n'est pas le parleur à mal de frère. Il change la vie de frère. Est-ce que c'est ce qui t'anime? La parole du Seigneur qui sort de sa bouche. Et ce qu'il a dit dans Romains 10 verset 17. Oh, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi dont vous avez besoin. La foi existante dont nous parlons. Elle doit avoir une source de référence. Elle doit avoir une base, un fondement. Elle doit se ressourcer dans la parole. Or, Christ le Mashiach. C'est lui qui a reçu l'onction. C'est lui qui a reçu l'onction. C'est lui qui a reçu l'onction. Elle doit être la vérité. Quand vous la recevez en qualité de véritable. Et lorsque la jura, c'est en tant que véritable. Utilisant la foi qu'elle a produite en vous. Quelle merveille de marcher avec toi. Il n'y a pas besoin de fabriquer ta propre foi. Il n'y a pas besoin de te bourrer de respondements. Et de multiplier les sentiments sans se libérer. Le plaisir, de la joie. Et de la profession. Tu n'as pas besoin de tout ça. Et que la parole soit proclamée par un canal approprié. Conscient de présenter par la parole en tant que véritable parole. Attelé par devoir à le faire. Veillant à ne pas sombrer dans le comportement pervers de ceux qui pervertissent la parole. Miséricorde, bonté divine. Est-ce que nous aimons comme ça? Ici dans 2 Corinthiens chapitre 2e, la parole du Seigneur a écrit ceci, au verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Vous voyez? Plusieurs sont dedans, dans la falsification de la parole de Dieu. Et Paul est conscient de ne pas être de cela. Mais c'est avec sincérité. Et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Pour Bisso, au Kesseni Nabatoming, Oebazel Kote Kisaka le Bananzambe. Mais le Kolabatinda Minanzambe, Tokolobaka na Sembo, na Miso, Nanzambe Kati, na Christo. Conscient de ses responsabilités devant Dieu. Et parlant en prenant Dieu à témoin. Non pas en se camouflant derrière frère Branham. Pour utiliser le nom de Branham pour prêcher ses propres doctrines. Je lui dire, c'est pas moi qui répondrai, c'est Branham qui répondra. Je suis responsable. Paul dit, nous parlons en Christ, en toute sincérité, devant Dieu. Renato après moi, sur le soir qu'il péchait. Pas tous ces irresponsables de l'anamiste. Oh, bah, tu sais, il Et après, ils disent, ce n'est pas nous qui répondons, c'est Branham qui répondra. Mais ils sont en train de bouleverser tout, de déformer tout, d'embrouiller tout, de mal aligner les citations. Après, c'est Branham qui répondra. Arrêtez d'écouter ces amateurs. Nous prenons Dieu à témoin sur ce que nous disons. Oui, ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est que les saints prophètes d'autrefois avaient prêché. Les saints apôtres chrétiens avaient prêché. Et William Branham a restauré. C'est la même vérité que nous défendons. Vous n'avez pas les seuls. Même si Dieu descendait dans la salle, il reconnaîtrait ses saints vraies paroles. Amen. Voyez ça, les degrés de responsabilité. Plutôt que quelqu'un qui va venir comme elle avant de prier, frère Branham a dit, dites seulement ce que disent les bandes. C'est pas vous qui répondez, moi je répondrai. Et on s'arrête à ça. L'on oublie que la Bible dit que nous répondrons tous, nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Christ. Tous. Alors, quand vous allez prendre une citation mal compris, je pensais que je viens vous dédonner de votre devoir de répondre des choses que vous prêchez. Même si vous avez dit Branham, mais si vous l'avez mal expliqué, Dieu vous condamnera. C'est de la responsabilité spirituelle. Êtes-vous là? Amen. Il y a plusieurs ici responsables, plus l'île ici à travailler les églises. Et bah, mingi, oh, il parle avec la charité. Oh, je vais, moi j'ai répété devant Branham, j'ai répété. C'est ça. Oui. Et pour ça, ils ont ajouté des choses, ils ont ajouté. Et Branham a dit que si quelqu'un ajoute quoi que ce soit ce que j'ai dit, cela montre qu'il n'a pas cru ce que j'ai dit. Branham n'a pas cru. Branham a le bien été surtout soutenu à Bakissi. Oh, on a honga na lobby. Et t'as ici pour l'été, un demi à ta honga na lobby. Quiconque ajoute, ajoute ces choses qu'il ajoute. La preuve que lui-même n'y croit pas. Prédicateur incrédule comme ça. Il est préparé de croyants fidèles. Par quelle sorcellerie? Ne ruinez pas votre âme. Veillez à tout ce qui se passe autour de vous. Notre âme est précieuse et nous devons la protéger. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 2. C'est écrit ceci, 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Et nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous là, chrétiens, disciples du Seigneur, prédicateurs de la parole, nous n'avons pas une conduite astucieuse. Nous n'avons pas une conduite. Et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Chaque prédicateur est responsable devant Dieu des choses que lui prêche. Ou derrière le Val de Franque. Derrière une quelconque célébrité. Chacun répondra des choses qu'il a. Retenez-les et tenez-les pour dit. Amen. Vous verrez, quand il y aura des pleurs et des grincements dedans, nombreux seront des prédicateurs. Dedans. La plupart des gens me couvraient. Tous ces gens qui ont fait une fausse doctrine qui disent que nous n'allons pas au ciel de Dieu, mais nous irons au ciel de William Branham, ils ont tiré ça où? Dans la Bible ou dans le message de Branham? Mais c'est répandu. Si on est des fois, vous allez entendre des choses. Des fois, vous ne connaissez que les tabernacles des chrétiens. C'est répandu dans plusieurs assemblées. Nous irons dans le ciel de William Branham. C'est bien de bâtir à bon. Et c'est répandu comme une doctrine, comme une révélation. Mais c'est une fausseté. Et pas la manière de quoi là. Branham n'a pas de ciel où il va nous amener son ciel à lui. Il n'y en a pas. Branham a jamais l'air là. Une fausseté, monsieur. Elle peut paraître vieille, répandue comme je ne sais pas des arachides et tout. Mensonge satanique. Vous allez nous couper pour faire Satan. Et Branham n'a jamais prêché. Oh, Branham a été. Ce que la Bible ne reconnaît pas. Oh, Bible paye du bon côté. Mais les gens y croient. Bah, tu vas faire quoi, Nyamela Yango? Amen. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle nous allons payer la dîme, soutenir l'église. C'est une fiction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu a dit que le ciel est mon trône. Et la terre est mon trône. Il a donné la terre au fils des hommes. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Et quand ils veulent justifier, vous voyez la prophétie là. Le traducteur là de l'ONU. Voilà. Ils ont une décision. S'ils lisent, mais qu'ils déforment alors sciemment ou inconsciemment. Ce qui va lui dire, la mouboko et l'ikamoubazel kolobela. Alors, au moins, il dit, ça colle, on attend, on fait sa maquille. Non, mon toi, il y a la cama, le poteau, qu'on en a omis, ou est-ce qu'on va pas, non. Ça, ça, les gens, on l'a pas, il y a eu un parler en langue, et puis, c'était en français pur. Et on a dit, parce que tu as fait ce choix, c'est ce qui amènera la victoire dans l'amour divin, et une portion du ciel t'est réservée. Et conclusion, voyez, une portion du ciel est réservée au Liam. Donc, nous, là, croyons du message et nous irons dans le ciel de Branham. Amen. Voilà. Une portion du ciel t'est réservée. Au lieu de voir quelle est la signification d'un tel langage dans la Bible, non, on crée une fausse doctrine à partir de là qui n'a de base ni dans le message ni dans la Bible. L'altération de la parole. Na esika ya kozua ndimbola ya eteni oyo ebombamelio na kati na Biblia bango ba bepisi pe ndimbola oyo babandi kolobela ezali nde na lolengo ya mabe ya kobibisaki loba na nzambe. Alors, je reviens à ce que dit Frère Branham. Bongo na zangi na wende kobrana. Chaque promesse dans la Bible est vôtre. Mais il vous faudra combattre chaque garde du diable. Il faudrait que rebondisse à vos pattes l'union sur les sables de la. C'est comme le Seigneur a dit dans Apocalypse 3, celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, de même que moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. La promesse est donnée au vainqueur de cet âge de la Odyssée. Et toi, tu peux aussi postuler, revendiquer ça pour toi-même. Mais regardez maintenant quelqu'un, une garde du diable, un démon dans la chair humaine appelé serviteur de Dieu, prédicateur du message, un démon. Il vient et dit, c'est pour te détourner de cette promesse qui fait de toi co-héritier, comme William Branham lui-même, d'une portion du ciel, mais pour pouvoir te lier à un ciel de Branham seul. Ah, c'est un gardien du diable qui vient faire ce travail. Il faut les casser de là. Lokola mkolo yemo kwa la kakili soko na emoni seli mkapo wa misatu ete wane zali elaka kwa na batuwa tozali kubiga na eleko ete molongi akoya kolonga akoya kufanda na ngai na isi na kiti na ngai na bukonzi kila mkolo kwa langa na longa kipe na zali kufanda na kiti na bukonzi ya tata na ngai na bongo kwenye mnemu teyo ya zabu na oyo ya zali mnemu sali ya zabu na zali kumilo beti mtei na sangoi alobi ete no zali kolo mbongo pota pengo la yo na elaka owa na halo bele yo na lola na sukia brana mwibi na mkenda kuzwa na hii on li apreliste 3:21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Wana malongi na kopesa yenzele na kuvanda na ngai elongo na kiti na bokozi na ngai lokola ngai mpe na longa kipa na vandi na tatala ngai elongo kati na. Voilà le ciel où ira William Branham. En tant que vainqueur. Et qui lui a été annoncé là. Dans la prophétie. C'est le ciel de Jésus. Êtes-vous là? Et il ne sera pas seul. Tous les autres qui vaincront également. Dans la Odyssée. On va à la même promesse. Que personne ne crée l'embouteillage. Que personne ne détourne personne. Le trône de Jésus se trouve où? Au ciel. N'a-t-il pas écrit que Jésus est entré là-bas comme précurseur pour nous? Il n'est pas écrit comme précurseur pour moi, comme si c'est pour Paul seul. Jésus-Christ est entré là-bas comme précurseur pour nous. C'est un pluriel. Un groupe de gens, de personnes qui auront accès à ça. Oh, béni soit le Seigneur Dieu pour sa fidélité. Dans Hébreux chapitre 6, verset 19-20, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est ancré pour nous, comme précurseur. Le précurseur, c'est celui qui prépare la voie aux autres. Mm-hmm. Leur prépare une place, que eux aussi arrivent là où lui est arrivé en premier. Mm-hmm. C'est Jésus-Christ. Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Mm-hmm. Nous allons dans le lycée et dans le col à longo, dans mon thème. Nous sommes dans la cathé. Nous sommes dans la cathé. Nous sommes dans la cathé. Nous sommes dans la cathé, dans la cathé, dans la esika, dans la boule, dans la sima, dans l'élamba. Wana Yesu, a ingela ki le col à moto na liboso, pour na biso. Yenganga monene libela, kobila moulongo, na Melchisedek. Et voilà. Vous allez voir, non? Allons dans Hébreux chapitre 9. Le verset 11 et 12. Il est dit ceci. Mais Christ est venu comme sur un prédicateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Le Christ a été le col en gangamonene, n'a bilo comme à la modifili koya, pour la ema oyo et le kimonene mpe, et zali na malamounios, oyo et salami na mabokote. Zali et loko kati na bilo ko bizalami samite. A yingeli kati na esikwa na boule mbalamoko, pour la libela. Pon na makila na bantaba pe bana na bangombete kasi na makila na ye moko boye azwaki lisiko na seko. Mais cette rédemption éternelle, pour qui est-il obtenu? Et lisiko ya seko na seko. Vous voulez un grand seul? Pour un grand seul? Mais c'est pour un groupe de rachetés. Et l'un de mon étonne à ma chico la mienne. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même. Amen. C'est là. Ils allaient courir. Où il nous fera entrer. C'est là qu'il nous fera parvenir. Dans le ciel même. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Zambi, Christ a sidi koyingel na esika na boule. Et ton ami n'a pas beau côté. Yango et l'ingina oya sala. Asi. Ingali kati na l'ikolo pensa. Sasa ipi, avaline pomona na l'ikosan en zambé, pon abiso. Amen. Après sa victoire terrestre. La simara langue na yé mokilo. Il est monté, il est entré dans le ciel même. A koti na l'ole yango pensa. Et il proclame la promesse au vainqueur. La zem kosa pala kè la kè la kè la kè la kè la kè la kè la kè. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Dans le ciel même. Comme moi aussi je vécu. Et je suis assis avec mon père sur son trône. Et le père se trouve son trône. Et verset 36, verset 1. Le ciel est mon trône. Le père de Jésus. Le ciel est mon trône. C'est dans le ciel même. C'est là où le vainqueur ira. C'est là où Branham ira. Et tout autre vainqueur de cet âge, c'est là. Le ciel de Jésus. Et là, y a Jésus. Dans le ciel même où Jésus est ancré, là où nous irons. Il n'a pas de ciel à nous donner. Où il va nous amener son ciel à lui. La portion qui lui est réservée, c'est sa portion à lui. Toi aussi, tu dois avoir ta portion. Et tel n'est la caméra qui est allée à Yé. Et là, Branham dit que le trône, c'est un domaine. Branham le explique que Apocalypse 3:21 qu'on a lu. Il montre que c'est un domaine. Donc dans un domaine, il y a beaucoup d'espace. Et on peut installer beaucoup de gens. Ici, là, quelqu'un, là-bas, notre ici, c'est dans son domaine. Comme sujet de son royaume. Nous serons installés dans les domaines de Jésus-Christ. Dans son domaine céleste. En tant que son épouse, sa proche intime, son ami de cœur, nous y serons. Voulez-vous vous en tenir à la promesse? Alors, Rebouana me disait, chaque promesse de la Bible est vôtre. Alors il dit ceci. Chaque promesse par la Bible est vôtre. Mais il faudra combattre chaque garde du diable. Et le chasser loin de cela. Si un démon se tient là-bas, pour nous faire la mort, vous devez discerner et le pourchasser. Libérez le territoire pour garder votre position. Chaque garde du diable, vous devez le combattre et chasser loin de cela avec une épée à double tranchant. Nous avons la véritable parole et revendiquez cela pour vous-même. Peux-tu revendiquer Apocalypse 3, 21? Peux-tu revendiquer 1 Corinthiens 15, verset 52? Peux-tu revendiquer 1 Corinthiens 4, verset 16? Peux-tu revendiquer Jean 5, verset 25? Nous ne sommes pas des branhamistes, hein? Bornés seulement à quelques versets. Hein? Et puis, à Cali. Et puis après, il y a plein de promesses ici. Chaque promesse dans la Bible vous appartient. Vous devez pénétrer dedans. Ça, c'est pas dans la Cali. Et revendiquer cela pour vous-même. Les branhamistes, ils prennent que quelques promesses que Frère Branham a citées dans ses prédications. Au-delà, ils sont patapouf. Mais soyez chrétien. Alors, vous prendrez le message à sa juste valeur. Chaque promesse. C'est lié au messager du temps de la fin. Mais il y a également des promesses liées à chaque croyant. Dans son âge. Et nous sommes les croyants de l'âge de la Odyssée. Il y a des promesses qui nous concernent. Et nous devons les revendiquer pour nous-mêmes. Vous aimez ? Revendiquez cela pour vous-mêmes. Soyez persévérants. Pénétrez là-dedans. C'est amen. Soyez persévérants. Pénétrez là-dedans. Comment vas-tu parvenir à prier pour la résurrection si tu ne prends pas d'abord cette promesse au sérieux pour toi-même? Tu comprends que c'est l'un des combats que tu dois livrer. Et que dans cette ligne de recommandation qui t'est faite, nous avons l'exemple de Jésus-Christ au niveau moderne. Au jour de sa chair, nous sommes en train de glaner ça. Il a présenté à Dieu une prière et des mains. à celui qui pouvait le sauver de la mort. Parce qu'il manquait des promesses. Il y avait une promesse le concernant. La promesse était écrite depuis longtemps. Il était concerné, ça le concernait. Mais il fallait conquérir. Pour ça, il faut combattre. J'étais ça naïf. Pour prendre conscience de ce que nous attendons. Ce n'est pas un temps fini. Il y a encore beaucoup de matière ici. Je ne saurais pas transmettre encore. J'aurais aimé stopper ici. Pour dire que Dieu vous bénisse. Et que Dieu fructifie sa parole. Et il a manifesté les effets dans ta vie. Il accomplit sa volonté dans ta vie. Il accomplit ses desseins. Parce que cette parole, nous vous la présentons aussi sincère que nous voulons dans sa pureté. Nous veillons à ne pas dire quelque chose de nous-mêmes. Nous veillons à ne pas dire quelque chose de ce que juste le Père Branham l'a dit. Et nous veillons à vous dire ce qui est vrai aligné dans les Écritures. Que Dieu bénisse chacun. Prenons-nous debout pour la prière. Répétons notre armure. C'est Cantique Hosanna numéro 118. Revêtons notre armure. Revêtons notre armure. Oh, et partons en vainqueur. Oui, oui, la victoire est sûre. En haut, le cœur, c'est lui. C'est Dieu qui nous appelle et nous dit en avant elle est sauveur fidèle. Le Seigneur tout puissant, c'est lui qui nous appelle. En avant, elle est sauveur fidèle. Le Seigneur tout-puissant, revêtons nos armures et luttons en fait que les secours étaient. Les preuves pour la son thème et dans le mauvais jour, mais que notre reste ferme dans la foi, dans l'amour, rêve-t-on notre armure. Et mourons en vainqueurs, oh c'est la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs, arrive éternel, mais qu'il nous manque les pas. Nos espérants fidèles peignent jusqu'à la mort et pour vivre. Il nous manque les pauvres, nos espérants fidèles. Jusqu'à la mort. Prions chacun maintenant, en accord avec l'évangile que nous avons entendu. Et chacun parle sincèrement à Dieu, prenne conscience de ses responsabilités, de chaque promesse dans la Bible qui lui appartient, dans la promesse de résurrection entre les morts. Nous devons pénétrer dedans et être persévérants. Mais quand rien je peux manger, c'est avec toi. Promesse, suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée, la plus de terre, la mer qu'on soleille, je marche avec mon sauveur, oh non jamais, oh, jamais tout seul, et non jamais, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, regarde, jamais ne me laisse seul, non jamais, non, jamais tout seul, et non jamais, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, regarde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière. L'aube matinière. Mais lui, qu'au jour, Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Je perds de vue, je perds de vue la terre à Dieu. À travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Amen. Non, jamais. Et non, jamais. Ah. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais, non, jamais tout seul. Et non, jamais, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur, regarde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, les dangers accourent, Que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que cela produise les effets dans ta vie de tous les jours. C'est sa promesse. Il peut aussi pénétrer dedans et être persévérant. C'est chaque garde du diable, chaque sentinelle que le diable va mettre là, pour te barrer la route, pour ne pas te faire jouir d'une des promesses de Dieu. Combat-les et chasse-les de là. Le territoire appartient aux croyants. Tout sol qui foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Chaque promesse où tu veux pénétrer. Chaque promesse biblique que tu veux hériter, dont tu veux jouir, Dieu te l'accomplira. Dieu notre Père, nous te remercions ce soir d'avoir entretenu nos âmes par ta précieuse parole, parole de vérité, parole toute puissante, parole créatrice, parole autoritaire, parole qui délivre, parole qui équipe les croyants et qui nous dote de ce qui nous manque. Louange à toi pour toujours, de ce grand privilège que tu as donné, et nous voulons que tu exauces chacun, que tu conduises chaque esprit, chaque âme au chemin de l'obéissance, de la persévérance, dans la foi, avec fermeté et conviction, pour glaner les résultats, obtenir les effets multiples de tout ce que ta parole a promis. Ce soir, tu nous as pointé une des promesses qui est celle de la résurrection d'entre les morts. Et tu nous as pointé une autre promesse en guise d'illustration, celle de gagner une place sur ton trône, dans ton domaine royal, le domaine de ton règne, devenir sujet de ton royaume, occupant une parcelle de ta domination, pour exercer une partie de ses attributions. Tu as promis ça aux vainqueurs ici dans cet âge. Nous ne voulons pas être lâches ni distraits, mais nous voulons être guéris et paraître plus que vainqueurs. Exauce notre prière, celle de chaque frère, de chaque soeur cette soir, avec l'âme de soeur, avec un cœur déterminé et conscient de ses responsabilités face aux promesses divines. Seigneur, fais rends justice, accomplis les effets de ta parole, produis-les dans chacun de nous. Suscite la foi là où il n'y en a pas. Améliore les degrés de foi là où il y en a. Guéris les maladies de la foi, Seigneur. Redresse le fait de chacun de nous inébranlable. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de la main, nous prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, que Dieu soit loué pour ce moment qu'il a voulu nous accorder. Shalom, Église. Shalom, Obatéli.